بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous avons certes révélé le Coran durant la nuit de la valeur. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la valeur? La nuit de la valeur est meilleure que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent par permission de leur Seigneur pour tout décret, et les paient jusqu'à l'apparition de l'aube.